Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, je vous explique que tout ce que vous pensez savoir sur les animaux est faux, ou presque. Et dans la deuxième partie, on dresse à plusieurs le bilan de ces 5 saisons du Nid de Pie pour conclure l'aventure en beauté. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Comment diable avez-vous deviné? C'est grâce à cet opéra, la Gazzaladra. Expliquez-vous. La Gazzaladra, en italien, signifie la pie voleuse. Vous n'êtes pas sans savoir que les pies ont la fâcheuse tendance d'être attirées par tout ce qui brille, comme des ciseaux en or ou une émeraude, par exemple. Rappelez-vous, dans le tout premier opus de l'émission, je vous parlais du comportement de la pie, ma fidèle mascotte, et de sa mauvaise réputation de voleuse, que les bijoux de la Castafiore, une aventure de Tintin, n'a clairement pas arrangé. Cette histoire d'oiseau kleptomane reste l'un des bobards que je retrouve le plus dans la culture populaire, dans les ouvrages de fiction notamment. Alors vous me direz, oui, mais bon, on ne va pas s'offusquer si ça apparaît dans un dessin animé, une BD ou un roman jeunesse. Ce n'est qu'une histoire après tout. Mais les histoires ne façonnent-elles pas nos pensées, nos opinions? Est-ce que si vous ne lisez que des choses négatives sur un animal, ou même, disons, sur certains humains, est-ce que vous n'allez pas finir par y croire, même si c'est censé n'être que des légendes? Si c'est répété à foison, c'est bien qu'il doit y avoir un fond de vérité, non? Au cours des 59 opus passés, j'ai tenté de déconstruire avec mes invités les préjugés que l'on continue d'entretenir sur les autres animaux. Et il y a de quoi faire. Non, les fourmis ne sont pas toutes d'ardentes travailleuses, et certaines réservistes glandouillent allègrement. Non, le ratel, ce blaireau africain super badass, ne fait équipe avec personne pour trouver du miel, et l'oiseau indicateur qu'on lui associe bien souvent guide en réalité les humains vers les essaims d'abeilles sauvages. Et non, les éléphants ne se regroupent pas dans des cimetières tenus secrets pour mourir. Et contrairement à ce que dit Ted Lasso pour motiver les joueurs de son équipe de foot après une défaite, les poissons rouges n'ont pas 3 secondes de mémoire. Si certaines de ces affirmations peuvent faire sourire aujourd'hui parce qu'elles paraissent tout à fait fantaisistes, certaines collent assez finement à la réalité. Et d'autres nous font plaisir. C'est pour ça qu'elles perdurent. Qui n'aime pas un bon récit ? Et tant pis si on l'enjolive à chaque fois qu'on le raconte. Les histoires d'entraide ont souvent la cote, car elles cochent toutes les cases et nous attendrissent. Certaines sont même très anciennes. La championne des idées fausses est sans doute celle du pluvian d'Égypte et du crocodile du Nil. La fable est, il faut l'avouer, plutôt choupie. Le crocodile ouvre grand ses terribles mâchoires et le pluvian, un petit oiseau aux hautes pattes, vient nettoyer ses quenottes des restes de repas ou des sangsues qui se seraient installées là. Le saurien y gagne une hygiène bucco-dentaire irréprochable pendant que l'oiseau bénéficie de la protection du prédateur, ce qui décourage tout autre animal affamé de s'approcher et de se régaler de ses œufs. Cette description, vous la retrouverez dans la majorité des ouvrages qui traitent de symbiose et de coopération entre les animaux, même chez des auteurs sérieux et estimés. Sauf que personne n'a jamais documenté ce comportement en vrai. Comment est-ce possible? Eh bien, demandez à Hérodote, un historien grec qui vivait au 5e siècle avant notre ère, à qui l'on doit la description qui est entrée dans la mémoire collective. Dans le livre 2 de son œuvre monumentale intitulée « Histoire », il écrivait ceci. « Comme le crocodile vit dans l'eau, il a le dedans de la gueule plein de sangsues. Toutes les bêtes, tous les oiseaux le fuient. Il n'est en paix qu'avec le trochilus, à cause des services qu'il en reçoit. Lorsque le crocodile se repose sur terre au sortir de l'eau, il a coutume de se tourner presque toujours vers le côté d'où souffle le zéphyr, et de tenir la gueule ouverte. Le trochilus, entrant alors dans sa gueule, il mange les sangsues. Et le crocodile prend tant de plaisir à se sentir soulagé qu'il ne lui fait point de mal. » Merci Hérodote. Le trochilus étant supposément le nom donné à notre pluvian. Hérodote s'est bien rendu en Égypte, mais ce qu'il rapporte dans ses écrits lui a lui-même été rapporté sans qu'il sache forcément qui a été à l'origine de ses descriptifs. Or, et vous serez d'accord avec moi, toutes les sources ne sont pas fiables. Si Marcel avait un peu trop abusé du vin de palme, ou s'il voulait se payer la tête du touriste, il a bien pu lui raconter n'importe quoi. L'histoire du croco et du pluvian aurait pu tomber dans l'oubli, ou être rapidement classée comme intox, mais elle était suffisamment crédible et séduisante pour passer à la postérité. Il faut dire qu'elle a été reprise en bon scoop sensationnel par une autre superstar du monde antique, Aristote, auteur entre autres de l'Histoire des animaux. Les textes du philosophe grec sont parmi les premiers à instaurer en Europe une classification du vivant et seront considérés comme des références par la majorité des érudits et des naturalistes jusqu'au XIXe siècle. Dans son livre 9, chapitre 7, consacré aux ruses des animaux, on peut y lire. Lorsque le crocodile ouvre la mâchoire, les trochiles accourent en volant, lui nettoyer les dents. Le trochile y trouve à manger, et le crocodile, à qui cela fait du bien, le reconnaît et ne lui fait pas de mal. Quand le trochile veut sortir, le crocodile remue le cou de manière à ne pas le mordre. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que des naturalistes et biologistes ont pu documenter cette super entraide? Eh bien non, et c'est là que ça coince. Dans un article paru en 1966 dans le journal The Ostrich, R.I.G. Atwell, l'auteur, évoque deux espèces d'oiseaux, le pluvian et le dicnème, et écrit ceci. Bien qu'il soit possible que les deux espèces d'oiseaux enlèvent les ectoparasites des crocodiles, cela n'a jamais été noté pendant les observations faites ces dernières années. Il ajoute. Il est en fait peu probable que le crocodile ait de la nourriture entre les dents, puisqu'il se nourrit toujours dans l'eau, et que cela nettoierait les particules bloquées. Du fait de la structure de leurs dents et de leur large espacement, ces particules auraient peu de chances d'adhérer. Quelques années plus tôt, le français François Bourlière publie en 1956 un article intitulé « Oiseaux exotiques dans leur milieu », deuxième série, dont trois pages sont dédiées à notre pluvian, dans la revue « D'écologie, terre et vie ». Voilà ce qu'il écrit. Le pluvian du Nil n'est autre, en effet, que le fameux oiseau crocodile des anciens auteurs. Celui qui se complaît, paraît-il, à rechercher les sangsues et autres parasites dans la gueule des crocodiles dormant nonchalamment au soleil. D'Hérodote à Brême, tous les classiques de l'histoire naturelle ont répété cette histoire, certains épiloguant même sur cet exemple de symbiose entre vertébrés supérieurs. Depuis une cinquantaine d'années, cependant, tous les ornithologistes de terrain qui ont accordé quelques attentions aux mœurs du pluvian, il faut avouer qu'ils sont fort peu nombreux, ont été incapables au contraire d'observer ce curieux comportement, et se montrent sceptiques. La seule exception que je connaisse est celle du docteur Bouet, qui, dans son récent ouvrage sur les oiseaux de l'Afrique noire française, cite une observation faite à Guénoto, sur la Gambie. Les crocodiles ayant beaucoup diminué depuis un demi-siècle sur les fleuves africains, et y étant surtout devenus très sauvages, il est fort possible que l'oiseau ait de moins en moins l'occasion de se comporter comme il le faisait au bon vieux temps. Il se peut aussi que certaines descriptions du siècle dernier aient été plus ou moins inconsciemment enjolivées par les auteurs. Si l'un de nos lecteurs a par chance pu faire quelques observations sur ce point controversé, il serait bien inspiré d'en faire part à la rédaction de cette revue. Personne ne semble s'être manifesté alors que les naturalistes et biologistes de terrain ont observé moult pluviens et moult crocos depuis. Mais manifestement, pas ensemble, en train de jouer au dentiste. Autre point louche, aucune photo ou vidéo ne documente réellement ce comportement. Le seul film, entre guillemets, que l'on trouve sur le net est une publicité originaire d'Asie pour des chewing-gums mentholés, où crocos et pluvians sont recréés en images de synthèse. Quant aux nombreuses illustrations que l'on peut voir apparaître quand on lance une recherche d'images, ce sont toutes, sans exception, des montages plus ou moins subtils. Oui, même celle qui accompagne l'article d'un fameux média de vulgarisation scientifique français qui titre sans hésitation « Le pluvier, grand ami du crocodile ». De l'affirmation insolente au nom de l'oiseau mal traduit, rien ne va. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et révèle une facette plus sombre et inquiétante de notre époque. Un article paru en mars 2023 par Vidya Padmakuma et Murugan Shantakumar de l'université de Bangalore en Inde dans le journal International Journal of Forest, Animal and Fisheries Research affirme que l'association Pluvian Croco existe et discute de la signification écologique de cette symbiose. Imaginez ma surprise et ma curiosité en le découvrant. Mais quand on creuse la question, la revue de littérature qu'il présente se base sur 60 sources fiables choisies avec soin qui en fait citent des articles qui n'existent pas. D'autres font référence à des scientifiques qui travaillent sur les crocodiles, mais pas sur les pluvians, et d'autres appartiennent même à des disciplines différentes. Il cite par exemple les travaux d'un entomologiste qui existe pour de vrai et doit être bien surpris de se retrouver incriminé dans cette affaire. Des formulations singulières pour un article scientifique qui désigne le Pluvian comme un « dentiste de crocodile » font même penser à l'usage de ChatGPT pour rédiger l'article. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti du sable. Avec l'avènement d'intelligence artificielle de plus en plus performante qui permettent de manipuler les images, les vidéos et les écrits en un clic, les idées fausses ont de beaux jours devant elles. Pourtant, dans le monde vivant, la réalité dépasse bien souvent la fiction, et des coopérations incroyables existent bel et bien. Les poissons clowns avec leurs anémones, l'outarde Cory qui se fait chevaucher par le guépier écarlate, et tant d'autres associations improbables. Le génie de la nature s'exprime déjà dans toute sa fantaisie. Pas la peine d'en rajouter. Et nous revoici dans le chaleureux studio radio de Campus FM pour retracer l'aventure du Nitpi qui s'achève après 5 saisons et 60 émissions. Je vous propose un petit échange à la cool pour discuter et vous faire découvrir la cuisine interne et les secrets de création. Alors pour ceux et celles qui n'y étaient pas, la première émission a été enregistrée ici, en direct, en octobre 2018. Et mon tout premier invité qui s'est plié à l'exercice est aujourd'hui avec moi pour papoter. C'était aussi, vous l'aurez reconnu, la voix d'Hérodote et de tant d'autres dans cette chronique. Bonjour Maxime Pinault. Bonjour. Alors, tu étais venu nous parler de la sélection sexuelle chez la mouette tridactyle dans tes travaux de thèse. Quel souvenir gardes-tu de cette première expérience radiophonique ? Eh bien, je dirais un sacré manque de préparation de mon côté. Je suis pas sûre que l'intervieweuse était beaucoup mieux préparée. Pour mettre dans le contexte, c'était en octobre, c'était la toute première émission. Peu de temps avant, il y avait eu la nuit des chercheurs et en gros, moi, je n'osais pas me lancer. Thomas avait dit « Oh, tu pars sur 30 minutes au début et puis bah, si tu veux démarrer la saison, c'est maintenant, il y a une date là, on va y aller en direct ». Donc la chronique a été écrite la nuit avant. Alors malheureusement, pendant les 60 émissions, je crois que toutes les chroniques ont été écrites la nuit avant d'enregistrer les émissions. Alors, le souvenir, la radio, le direct, c'était le stress. Octobre 2018, ça devait être... faut pas que je dise de bêtises, mais ça devait être ma première expérience, je sais pas, de vulgarisation scientifique. Mm-hmm. Parce que c'est que l'année suivante, après, que dans le cadre de ma thèse, j'avais fait un concours, ma thèse en 180 secondes, pour présenter mes recherches. Mais du coup, la radio, là, c'était vraiment la première fois. Et bon, clairement, on n'est pas du tout habitué au discours simplifié, on va dire, simple, pour que tout le monde puisse le comprendre. Et donc, j'ai appris à mes dépens que voilà, ça demandait beaucoup de travail et de la pratique, hein, tout simplement. Et l'exercice de la radio, parce que c'est... Vous vous rendez pas forcément compte, mais à la radio, il faut pas crachouiller dans le micro, il faut pas faire de bruit. Par exemple, si je bouge ma gourde, vous allez l'entendre. Alors après, on peut se dire, c'est le bruit de la radio, c'est chouette, mais... Oui, bah oui. Là, j'ai un chat dans la gorge depuis 3 minutes. j'essaye de pas tousser. Mais bon, là, surtout, ça fait 3 heures qu'on est là et on a fait 40 prises, mais à l'époque, c'était en direct, donc clairement, la pression était un peu plus présente, et je pense que ça se sent aussi dans les paroles. Après, tu avais réussi à synthétiser 3 ans de recherche en 20 minutes ou 25 minutes d'interview, parce qu'à l'époque, l'émission ne faisait que 30 minutes. Mais bon, je crois que, il me semble que tu as abandonné le direct. Très vite. Assez rapidement. Oui, oui. Il y a peut-être une raison derrière ça. Il y a tout à fait une raison, voilà. C'est que c'était stressant et que mon corps ne supportait pas ce genre de pression. Donc il y a que les deux premières émissions qui ont été faites entièrement en direct, celle avec donc toi et celle avec Fred Lissac, le directeur des éditions Plumes de Carotte. Alors non seulement c'était stressant et je me suis rendu compte que ça stressait. Donc moi j'étais stressée, mais on va dire que Au fil du temps, je me suis un peu détendue, légèrement, mais mes invités, pas toujours. Et l'idée d'être en direct, ça les angoissait beaucoup. Ça rebute, clairement. Surtout qu'on en parlera, mais moi, j'ai quand même beaucoup essayé de faire parler des jeunes scientifiques dont c'était les premières expériences de vulgarisation. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant. Surtout qu'on a peur de dire des bêtises. Alors si en plus les bêtises sont entendues par tout le monde en direct, c'est quand même pas rassurant. Et puis il y avait un autre côté pratico-pratique, c'est que trouver quelqu'un qui est dispo le jeudi à 17h, heure pétante, pour venir en studio, c'était plus compliqué. Donc assez rapidement, on a laissé tomber le direct. Est-ce que toi, tu veux nous parler de comment le projet est né, finalement, à part cette injonction de Thomas à la nuit des chercheurs. Non, c'est pas une injonction, c'est juste qu'en gros, l'idée, parce qu'une saison de radio commence en octobre et finit en début juillet, on va dire, parce que ça se cale sur le calendrier universitaire, et clairement, il fallait jeter à l'eau, parce que moi, je suis une flippette, et si j'avais pas une date butoir, j'aurais toujours trouvé le moyen de dire je suis pas prête, et je me serais jamais jetée à l'eau. Donc heureusement que j'ai eu cet appel du pied et que c'est vraiment lancé pour de vrai, sinon il y aurait jamais eu de nid de pie. Mais oui, l'émission, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Campus, et d'ailleurs si vous nous écoutez et que vous avez envie de proposer un projet à Campus, c'est possible. Tous les ans, au moment de l'été, vous pouvez proposer, il y a des appels de la radio pour que des jeunes personnes, ou moins jeunes, mais qu'en tout cas des nouvelles personnes rejoignent la radio et proposent leur projet. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré Morgane Bouter, qui animait 20 mg de science et La Révolution douce avec sa sœur Mathilde, qui faisait donc de la radio ici, et je l'avais rencontrée dans le cadre du festival Pint of Science, qui est un festival où il y a des scientifiques qui viennent parler dans les bars. Et je me suis dit, waouh, mais la radio, c'est super. En plus, c'est de la vulgarisation. Moi, j'aime bien la radio parce que, la voix. Je trouvais que les vidéos YouTube, qui étaient très à la mode et qui le sont toujours, c'est d'autres pressions, d'autres contraintes, surtout quand on est une femme scientifique. Il y a quand même plein de relous. Il y a aussi l'image qui rentre en jeu. Voilà, c'est ça. Alors qu'à la radio, on peut être moche et c'est OK. Voilà, donc c'est venu comme ça, et en fait j'ai déboulé en août ici à Campus, et je suis allée voir Thomas, je lui ai dit « Bonjour, moi j'ai jamais fait de radio ». Enfin, j'avais fait une expérimentation lors de mon diplôme universitaire de médiation scientifique à Paris, où on avait fait une émission de radio, mais on était 12, sur Aligre FM, et j'avais trouvé que c'était trop cool, la radio, et je lui ai juste dit « moi je voudrais parler d'animaux ». Il m'a dit « ok, 30 minutes tous les 15 jours, c'est parti ». L'histoire a démontré que on n'est pas resté sur 30 minutes tous les 15 jours. Le format a évolué. On est passé assez rapidement de 30 à 45. Je pense au bout de 3 épisodes ou 4 épisodes. Non, 3, c'était Félix Pellerin et il ne parlait pas beaucoup. Donc, on n'a pas dépassé les 30 minutes. Mais je crois que dès la 4e émission, j'ai pété les compteurs. Et puis, tous les 15 jours, ça a tenu toute la première saison. Ce qui était pas mal, parce qu'à l'époque aussi, j'étais au chômage, donc je n'avais pas d'autre activité à côté, donc même si c'était un rythme quand même soutenu, je me dis que j'étais quand même très motivée à l'époque. En fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la deuxième saison, on était sur le même rythme, et puis il y a eu un petit truc en 2020 qui a bouleversé le quotidien de plein de gens. Il y a eu le Covid. Moi, à l'époque, j'étais pas équipée, j'avais pas de micro chez moi, donc j'avais pas la possibilité d'enregistrer en dehors du studio. Donc on a rediffusé allègrement plein d'émissions et je me suis rendu compte, en plus j'avais une activité professionnelle entre temps puisque je travaillais à mi-temps à Le Ré Café, le meilleur café de Toulouse, si ce n'est du monde. C'est sûr. Voilà, et avec cette activité-là, à partir de la troisième saison, on est passé à un rythme d'une par mois. Et j'ai investi entre temps pour un micro parce que de plus en plus, le format a bougé, c'est-à-dire qu'au tout départ, l'idée c'est que j'arrive avec mes chroniques écrites, mes conseils lecture et que je fasse tout dans les conditions du direct avec l'invité pour qu'en gros l'émission soit enregistrée en un bloc. Et puis rapidement, j'étais pas prête à temps. C'est-à-dire que j'avais réussi à trouver mes invités, à leur poser des questions et ça c'était bon, mais mes chroniques je les écrivais après, donc je revenais les enregistrer après et on faisait du montage pour couper, coller les morceaux entre eux. Du coup, sur le format, sur la longueur, c'est quoi ? C'est un problème pathologique Oui, c'est un problème pathologique, clairement. Déjà, mes chroniques, la toute première sur la pivoleuse que j'avais écrite vraiment très rapidement, elle faisait 3 minutes 50, je crois, à l'époque, et c'était ce que je visais. Et puis, bah, très rapidement, on est passé à 6, 8, 10. Bah, c'est mon problème. J'aime bien quand les gens écoutent un truc qu'ils aient... Toutes les informations. Ouais, ce qui n'est jamais possible, bien sûr. Surtout quand on part sur un sujet comme, je sais pas moi, l'entraide chez les animaux, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais oui, ça a débordé. Et puis, j'ai aussi eu des invités passionnants. Et en fait, je me suis rendu compte que 10 questions, ça allait trop vite et que je voulais leur en poser 12, 15, 16, 18 et que ça débordait. Donc, même l'interview a rallongé. Et puis à partir de la troisième émission, vu que je suis, enfin même la deuxième je crois, vu que je suis une grande amoureuse des livres, eh bien il y a le conseil lecture qui s'est rajouté à la fin. Donc tout ça, voilà, a très vite tutoyé la durée butoir des 1 heure, parce que après mon créneau, il y a d'autres émissions sur Campus et il ne faut pas entamer la grille horaire, même si, pareil, Thomas, dans sa grande mansuétude, a accepté que des fois je fasse des émissions de 1h02 ou 1h03. Je crois que la plus longue, c'est celle avec Pierre Kerner sur les parasites et je crois que je suis à 1h04. Oui, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais clairement, voilà. Et je pense que si on me donnait 2 heures, je pourrais les remplir. D'ailleurs, il y a des émissions que j'ai dû couper en deux parce que... Bah, c'était des invités que j'avais eu beaucoup de mal à avoir et je me suis dit non mais je peux pas me limiter à 30 minutes d'interview avec ces gens parce qu'ils ont tellement de choses passionnantes à dire que je peux pas couper quoi. Du coup ce serait un peu le défaut du format radio pour toi en tant que réalisatrice de Oui et non parce qu'en même temps qui va écouter une émission de radio de 5 heures ? Enfin il faut être déjà là 1 heure, je sais pas combien d'auditeurs et d'auditrices ont la foi d'écouter des émissions aussi longues. Il y a plein d'émissions de podcasts qui durent beaucoup moins longtemps, parce que oui, c'est bien quand ça tient sur la durée du trajet qu'on a à faire pour aller travailler ou du jogging. Mais du coup, toi, en tant que créatrice, est-ce que c'est un format finalement qui te convient, ou alors tu t'es un peu frustrée de devoir t'imposer des limites et ce serait plus un format écrit qui, dans lequel tu pourrais te rouler allègrement comme un sanglier dans la boue? J'aime me rouler dans la boue de la longueur des explications. Bah oui, mais sauf que même les formats écrits, même un bouquin, un éditeur, il va mettre des contraintes sur un nombre de pages. On peut pas faire 1500 pages sur la vie du plancton, sauf si on a un éditeur qui est sûr que ça va se vendre. Mais si ça n'intéresse personne... Je suis pas sûr que ça se vende... On peut sous-estimer l'intérêt de la vie du plancton. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, mais voilà. Donc le format écrit, oui, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là, mais... Moi, j'aimais quand même beaucoup l'échange radiophonique avec les invités. Et je trouve qu'avec la voix, y a des fois, on s'est quand même franchement bien marré, quoi. Avec l'écrit, on ne peut pas le retranscrire, l'émotion de ce qui se passe à ce moment-là, ou de certaines confidences. Alors, des fois, j'étais un peu triste parce que ça arrivait que mes invités, parce que vous ne le savez pas forcément, mais quand toutes mes questions sont posées, des fois, on restait papoter jusqu'à ce qu'on se fasse déloger. Et des fois, j'ai eu des confessions ultra touchantes ou intéressantes une fois que le micro était coupé. Donc, c'est uniquement pour toi. Ça reste dans mes mémoires, mais c'est vrai que il y a eu des trucs assez touchants ou pas toujours cool hein, sur les conditions de travail, parce que la recherche est un milieu particulier. Donc des fois, j'ai eu des confessions que je connais, puisque je connais le milieu, mais qui est... Voilà, donc je le garde secrètement dans ma boîte à secrets. Et donc, c'est la 60e émission. Le format a beaucoup évolué, comme tu le disais, mais j'imagine qu'il y a des points communs dans la création de l'émission. L'émission, alors, c'est... en fait, vu que je suis une contrôle freak, je fais quand même la majorité toute seule, on va pas se mentir. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, au départ, je cherche les invités qui travaillent sur des thématiques qui m'intéressent. Au tout début, c'était moins le cas, mais ensuite, j'ai essayé d'écrire mes chroniques en lien avec le sujet de l'interview. Par exemple, je ne sais plus comme exemple là, comme ça qui me vient en tête, mais par exemple, sur l'émission sur le décement des Pyrénées, j'avais écrit une chronique sur des animaux camoulox, parce que le décement, ça ressemble à rien, c'est une espèce de musaraigne avec une trompe d'éléphant. J'avais écrit une chronique sur d'autres bestioles qui ressemblent à rien, qui sont l'ornithorynque et l'oryctérope, qui est une sorte de cochon de terre africain qui creuse le sol. Donc j'ai essayé de faire ça. Mais je pars toujours des invités, c'est toujours... Mais ça a été de toute manière ma motivation à créer cette émission. Moi, je suis arrivée à Toulouse quelques mois avant de créer l'émission. Je suis arrivée en avril 2018 sur Toulouse, alors que je connaissais personne. Et c'était aussi pour moi un moyen de rencontrer des gens et de... Et puis c'était très égoïste, en fait. C'était des gens que j'avais envie de rencontrer. Et en les invitant à la radio, je me suis dit, super, je vais avoir 40 minutes avec ces gens pour leur poser toutes les questions que j'ai envie de leur poser. Donc c'était vraiment ça ma motivation première. Donc c'est ça, il y a l'invité, donc je trouve l'invité, je lui envoie un mail, je lui explique en quoi consiste l'émission, je lui demande gentiment s'il veut bien venir. Quand ils disent oui, ce qui a été majoritairement le cas, en vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que tous les gens que j'ai contactés m'ont dit oui. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Ensuite, en général, j'appelle les gens entre 10 minutes et 45 selon à quel point ils ont du temps, ou est-ce qu'ils ont envie de débriefer, ou est-ce qu'ils ont envie d'échanger en amont. Comme ça, je joue un peu avec eux, quelles questions ils ont envie de traiter, avec quoi ils sont à l'aise, parce que j'ai pas envie que les gens se retrouvent avec des questions qui n'ont rien à voir avec leur domaine d'expertise, ou avec lesquelles ils sont pas à l'aise, parce que des fois, quand on est chercheur, il y a des questions d'éthique ou autres qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Ensuite, une fois que j'ai raccroché, je rédige les questions en amont. Souvent entre 10 et 18, on va dire, selon la durée de l'émission prévue. Et je demande aux gens s'ils veulent que je leur envoie les questions ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont très en mode bah, « moi, je suis rodée, je préfère la spontanéité, bim bam boum ». C'était par exemple le cas d'Audrey Dussutour et d'Antoine Vistrard, qui étaient déjà rodés à l'exercice de la vulgarisation. Un peu rodés sur ça. Voilà. En plus, entre-temps, ils ont sorti leur bouquin sur les fourmis dont ils nous avaient parlé. Audrey Dussutour, voilà, elle a eu son projet de blob dans tous les collèges et lycées de France. Donc voilà, c'est des vieux routards de la vulgarisation, donc ils n'avaient pas de souci avec ça. En revanche, il y a des gens qui étaient beaucoup plus... stressés, beaucoup les doctorants, les doctorantes, parce qu'ils ont peur de dire des bêtises. Et souvent, je leur envoyais les questions avant. Alors, soit ils se contentaient de les lire, soit ils essayaient de les préparer en amont. Et là, ça arrivait quelques fois que les gens soient stressés, qu'ils aient des notes et qu'ils lisent les notes. Et là, c'est un peu compliqué, parce que autant les chroniques, vous vous en êtes rendu compte, c'est moi qui les écris, qui les lis. Mais l'interview, il faut qu'il y ait ce soit dans le flow. Un échange assez dynamique. Spontané, dynamique, exactement. Ouais. Donc c'est arrivé quelques fois où j'avais des gens un peu stressés qui avaient des notes et où j'ai essayé un petit peu de les bousculer pour dire non mais ça va bien se passer. De toute façon, on est dans les conditions du direct, mais il y a du montage, on peut se rater, on peut recommencer. Et souvent, les gens se détendaient un peu avec ça. Et puis pour le conseil lecture, j'essayais toujours de trouver des livres en lien avec ma chronique, etc. Alors au début, ce qui n'était pas forcément une bonne chose pour ma bibliothèque, je les achetais tous. Donc c'est même arrivé que je cours dans toutes les librairies de la ville pour trouver le livre dont j'avais besoin. Et puis ensuite j'ai découvert la médiathèque, ce qui est quand même vachement bien. C'est une invention assez... Ah, c'est vachement bien, on peut emprunter des livres sans les acheter. Voilà, donc ça a beaucoup évolué, mais je pense qu'en vrai, faire une émission... Entre trouver les gens, leur poser des questions, on peut déjà compter 45 minutes, préparer les questions, parce que moi, il faut aussi que je me documente sur le travail des gens. Donc souvent, je lis des articles, je lis des travaux, des interviews de ces gens-là, pour aussi ne pas leur poser des questions qu'on leur a déjà posées par le passé. Je pense qu'on peut rajouter 2 heures de préparation pour l'interview. Et puis la chronique, selon l'ampleur de la recherche que j'ai à faire, je pense, sans mentir, qu'on peut compter 3-4 heures de plus. 5. Donc ça fait une journée et demie de travail. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que autant au début, et d'ailleurs ça doit s'entendre, on entend toutes les respirations, toutes les tout, etc. Mon côté contrôle freak a repris le dessus. Et autant on diffusait un petit peu dans le jus les premières éditions, à partir de la 3e saison, j'ai menacé Thomas, je lui ai dit « Est-ce que tu peux me redonner les fichiers son ?» Et comme ça, j'enlève tous les claquements de langue, les hésitations. Et ça, ça prend quand même beaucoup de temps, parce que sur une émission d'une heure, d'écouter chaque seconde en disant « Ah, là, il y a un claquement de langue, je vais l'enlever, clouc !» Et puis, ça me prend, je sais pas, 2 heures de plus. Donc, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux aborder après ? Est-ce qu'on parle du générique du NITPI ? Comme ça, on pose les deux questions à Thomas, et ensuite, on lance le générique. Ouais. Et comme ça, ça coupe l'émission. Est-ce que tu veux bien venir au micro quelques instants ? Ah, tu peux le faire en distanciel ! Oh, incroyable ! Eh bien, du coup, Thomas, qui est en régie, parce que ça aussi, vous ne voyez pas, donc avec Maxime, oui, on est dans le studio. Tu as parlé de la création de l'émission. Exactement. Il y a tout ce que tu fais toi, mais il y a bien sûr tout ce que fait Thomas, le magic Thomas, que je remercie chaleureusement à chaque fin d'émission. Donc Thomas qui a accepté que je vienne squatter les ondes de Campus FM, merci pour ta confiance. Avec plaisir. Et donc Thomas, en fait, moi je ne maîtrise absolument pas les outils de montage, même si je dis que je fais le montage, je coupe les trucs sur Audacity comme une bourrine. Et en général, je lui envoie en vrac tout le truc prémonté et je te laisse faire la fin. Donc, rajouter les virgules, génériques. Mais tu as aussi des fois, parce que, par exemple, la toute dernière émission que les gens n'ont peut-être pas encore écoutée, c'était un enregistrement à distance avec un monsieur en Suisse. Le son était dégueu. Donc, toi, tu as dû retravailler dessus. Ben c'est le cas souvent quand il y a des enregistrements qui sont pas faits en studio, c'est que la qualité du son dans ces cas-là est moins bonne forcément. Bon, après ça dépend de plein de paramètres. Alors des fois effectivement il faut repasser derrière un petit peu, essayer de rattraper ça tant qu'on peut. Hein. Il y a des limites de toute façon, on n'est pas non plus en mesure de faire tout des miracles. Mais non, après, c'est pas une émission qui demande énormément de travail en post-prod, comme on dit, parce que on fait comme on pratique généralement dans cette radio avec les gens qui n'enregistrent pas en direct. On fait ce qu'on appelle dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'on lance l'enregistrement, on va au bout. S'il y a une hésitation ou une chose comme ça à reprendre, ben effectivement, on la reprend. Donc voilà, on fait pas 10 000 prises, on n'arrête pas l'enregistrement et on se dit « allez, on revient au début ». C'est des pratiques qui sont assez courantes. Après, plus l'émission est longue, plus effectivement il va y avoir du travail. Et plus il y a ces petites accroches, et plus on est perfectionniste, et ça prendra un peu plus de temps, etc. etc. Mais ça reste toujours un plaisir. Oh, c'est gentil, merci. Mais il faut, parce que Thomas est quand même très gentil, mais dans la réalité, il faut quand même savoir que souvent, donc là par exemple, cette saison, souvent les émissions étaient diffusées le mardi à 17h. Il y a deux émissions, je me souviens très bien t'avoir envoyé le fichier qui restait à monter à 14h, quand même. Oui, il faut s'y mettre. Donc voilà. Donc il faut dire un grand merci à Thomas parce que c'est quand même lui qui fait ça, qui aussi ajuste les niveaux. Parce que comme je dis, moi je suis vraiment une noob complète. Par exemple, je ne sais pas équilibrer les sons. Par exemple, des fois il y a des différences, des décalages entre le son qu'on enregistre ici en studio et le son que moi j'ai avec mon petit micro USB chez moi, quoi. Forcément. Donc parce que quand même le studio, c'est quand même mieux insonorisé que mon bureau chez moi où il n'y a pas de travail pour insonoriser. Donc tu as quand même tout ce travail-là à faire quand même. Il faut le noter. Oui. Et surtout, c'est toi quand même qui a choisi l'identité musicale du générique du Nitpi, qui est donc The Call of the Jungle Birds de Tito Puente. Est-ce que tu te souviens comment tu avais choisi et arrêté ton choix? Ça me paraît bien lointain tout ça. Bien lointain. On sent qu'il y a une petite vibe animale. Oui. Il y a Birds, je crois qu'on avait cherché un truc avec l'évocation des oiseaux quand même. Ouais. À la base. Et c'est vrai que peut-être en cherchant dans mon imaginaire qui n'est pas très développé, ce morceau est venu dans ma tête et je me suis dit, en fait, il colle super bien pour. Enfin, moi, je trouve, hein, parce qu'en plus, je trouve que c'est un joli morceau et que l'artiste est intéressant à plein de niveaux. C'est vrai qu'à l'entendre le morceau, il évoque pas forcément des oiseaux. Enfin, j'ai pas cette impression. Ouais, mais il y a le côté un peu tropical, exotique. Voilà. C'est ça. Ouais. Oui, effectivement. Mais il n'y a pas de son d'oiseau dedans. Alors que c'est finalement, ça arrive assez généralement dans des morceaux de musique. Mais voilà, on s'est dit, tiens, on va essayer celui-là, et puis je pense qu'on s'est dit que ça marchait bien. Ça marche vachement bien. Moi, j'avoue que je suis très attachée et que je l'écouterai avec plaisir, même si je l'ai entendu 60 fois pour lancer l'émission. Ah c'est vraiment, il y a eu une sorte d'identité qui s'est greffée avec ce morceau sur ce programme, je pense que complètement. Ça, c'est certain. Complètement, le ting, le début, en plus, il y a vraiment une petite attente quand on entend le ting qui résonne. Et si ça vous va, je pense qu'on va faire une petite pause musicale, comme on a l'habitude de le faire, comme je dis souvent, le temps de bâiller aux corneilles et de jacasser comme des pies. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir la musique que j'avais suggérée à Thomas pour un générique. On en reparle juste après. On fait une petite pause, ne bougez pas. On revient tout de suite sur Campus. Sweet soul, our life is one. Alors, vous l'avez découvert, c'était la suggestion que j'ai faite à Thomas avant qu'il me dise « c'est quand même pas trop la couleur musicale de la radio ». Ce que j'ai entendu avec raison, c'était « The Greatest Love », extrait de l'album « The Gentle Storm » et qui est chanté par Anneke. Et moi, j'avoue, j'aimais beaucoup la vibe un peu, parce que tout le concept du CD que je vous invite à écouter, c'est l'histoire d'une correspondance entre une femme qui attend son marin de mari qui est parti dans les Indes dans les années 1700. Donc il y a ces sons avec des clavecins, avec des violons et tout, et puis le sens de l'aventure. Quelque chose d'épique. Ouais, j'aimais bien le côté un peu exploration, voyage. Donc le tout début, il y avait aussi un petit début de je sais pas ce que c'est l'instrument, ça fait pas les ch'tings de Tito Puente, mais il y avait une petite attente aussi, donc voilà. Mais je suis très contente du Call of the Jungle Birds qui colle et qui est plus en effet dans l'ambiance de campus. Voilà. Donc on est dans la deuxième partie de Nick P. Oui, oui. Puis on a parlé pas mal de la technique, de la création, de l'histoire de l'émission. Mais, tout à fait. Toi. Tes sentiments. Mes sentiments. Qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement dans cette aventure de 5 ans comme je disais au tout début, c'est vrai que ça fait très bisounours dit comme ça, mais j'ai adoré rencontrer tous les invités qui m'ont fait confiance parce que vraiment c'était des rencontres. Alors il y en a certains, je vous vois tout le monde officiellement d'ailleurs, cette émission est totalement hors norme parce qu'on se tutoie allègrement, voilà. Mais normalement je vous vois tous mes invités et il y en a quand même certains qui étaient des copains. C'est des copains, des copines qui étaient de Toulouse ou des fois de loin, hein, parce que j'ai interviewé des copines qui vivaient à Paris, qui étaient mes collègues de master d'éthologie, et j'ai profité qu'elles venaient me rendre visite pour dire « Allez, t'as rien à faire, on va aller à la radio, etc. » Donc c'était du temps passé avec des gens que j'aimais au départ, mais il y a aussi des gens que j'ai rencontrés grâce à l'émission et que j'apprécie vraiment en tant qu'humain et que j'ai plaisir à recroiser régulièrement. Je pense notamment à Aurélie Calmet, la dessinatrice carnétiste qui était venue sur Terre d'ailleurs, les Nat Explorers Barbara et Julien qui sont vraiment des gens sans sas et que je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec eux. Et puis, il y a eu aussi quand même quelques moments de grâce, des gens avec une certaine notoriété ou que moi, en tout cas, j'admirais profondément et qui ont accepté de venir. C'est un peu les émissions... D'ailleurs, c'est souvent les émissions doubles. Hein. C'est des gens, je me suis dit, ils sont là, on va les faire parler parce que je ne sais pas si je les reverrai un jour. Et vraiment, c'est vraiment un moment suspendu. Je pense notamment à Brian Aiello, le taxidermiste du Muséum de Toulouse. Oui, que tu voulais quand je suis avoir arrivée, au micro depuis le début. Quand j'ai créé l'émission, je voulais l'interviewer parce que je l'avais vu intervenir lors des Journées du Patrimoine et j'avais trouvé que son métier était vraiment beaucoup plus complexe et artistique que ce que je pouvais imaginer de premier abord. Il est taxidermiste, mais voilà, outre la partie naturalisation un peu technique avec des gestes chirurgicaux, il y a tout un travail artistique de connaître les muscles, la forme des animaux, enfin vraiment... Et ce monsieur qui est au demeurant charmant et très occupé. Normal. Il a énormément de travail et je pense qu'en vrai, je l'ai pisté, relancé tous les 6 mois pendant 3 ans avant qu'on trouve un créneau. Et quand ça a vraiment pu avoir lieu, j'ai pas eu le cœur de l'arrêter au bout de 30 minutes d'interview. Et c'est pour ça que l'émission est très longue. Il y en a eu d'autres. Il y a eu 2 autres émissions doubles. Et ce sont des exceptions parce que ce sont des émissions qui n'ont pas été enregistrées au studio, campus, à Toulouse. Ouais. Parce que ce sont des gens qui n'habitent pas du tout dans le coin. Il y a donc Monsieur Déhomme, le fondateur de la revue La Hulotte. Et ça, c'était un truc complètement improbable aussi, parce qu'en gros, c'est une histoire un peu vaseuse, mais en gros, j'ai une connaissance de ma tante qui connaît personnellement ce monsieur, qui lui a parlé de moi, et moi, je lui avais écrit pour lui dire, parce que ce monsieur, il habite dans le nord de la France, il habite dans les Ardennes. À Boult-au-Bois, dans les Ardennes, et en gros, je devais aller à un événement près de Metz, et je m'étais dit, au cas où, je prends mon micro, je lui demande, ça ne coûte rien, et... En plus, c'est un monsieur qui accepte très peu d'interviews et je m'étais dit, bon, ouais, c'est mort. Et en fait, la veille de la date où c'était possible, j'ai reçu un coup de téléphone de sa femme qui a dit, ok, vous pouvez venir. Et j'étais là, oh, waouh, on rentre dans l'antre du Père Noël. Et je pense que cette émission, alors d'ailleurs, je ne sais pas à quel point ça s'entend, mais il y a des émissions où je suis tétanisée par mes invités. Je suis ultra stressée. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu changé la formule, parce qu'avant, je lisais mes chroniques, alors que les invités étaient à côté de moi. Ah oui, du coup, il y avait une petite pression supplémentaire. Par exemple, typiquement, l'émission de François Delarosière, quelqu'un aussi que j'admire beaucoup, qui a créé les machines. Les machines de Toulouse. Nantes et de Toulouse, à la Halle des Machines. Je ne peux plus écouter cette émission. Parce que quand on l'écoute, c'est sur Descartes et les animaux-machines, on a l'impression que je suis morte à l'intérieur. Il n'y a pas d'intonation dans ma voix, parce qu'en fait, je suis tétanisée. Je suis là genre, oh mon Dieu, il y a François de la Rosière à côté de moi. Et je suis très, très, très angoissée. Et le dernier un petit peu émission exceptionnelle, entre guillemets, c'était Franck P, le dessinateur de bande dessinée belge, et qui a été très, très, très gentil, parce qu'en plus, le pauvre, je suis arrivée en retard avec des problèmes de métro. Il m'a attendu une demi-heure dans le hall de son hôtel. Et on a fait l'enregistrement dans le restaurant vide de l'hôtel où il résidait à Paris. C'est très drôle parce que j'ai essayé de faire le montage comme je pouvais, mais à un moment donné, il y a un monsieur, un serveur qui trie des couverts dans le fond. On entend cling, cling, cling, cling. Et je me suis dit, oh non. Un petit paysage coloré. Oui, un petit paysage musical, on va dire. Mais voilà, c'est des émissions où vraiment, moi en tout cas, c'était un peu l'aboutissement et j'étais waouh, je suis vraiment très très contente d'échanger avec ces gens et en plus qu'ils me fassent confiance parce que bah, je suis personne et je suis sur une radio associative et voilà, et ils n'ont aucun intérêt. Commercial à répondre à mes questions et ouais, c'est des très bons souvenirs. Mais donc il y a eu des dessinateurs, dessinatrices, taxidermistes, chercheuses, chercheurs. Un réalisateur de film, Eric Serre. Un réalisateur de film, qui était tellement gentil. Le réalisateur de film docu, ouais. Puis plein d'autres métiers, une bergère. Une bergère, ouais. Enfin voilà, plein de choses. J'imagine que tu peux pas vraiment choisir une émission. Non, c'est impossible. C'est comme choisir entre ses enfants, c'est pas possible. Donc, mais bon, enfin. Il y en a que j'ai aimé faire parce que, mais j'ai vraiment de la chance parce que tous mes invités se sont prêtés au jeu, même ceux qui étaient un peu mal à l'aise. Je me souviens par exemple de doctorantes qui étaient stressées, etc. Et ça se sentait. Moi, je sentais des fois un peu leur voix trembloter au micro. Et je me suis dit, ah, ça va beaucoup s'entendre, mais bon, c'est pas grave. Et je suis contente parce que certains m'ont dit plus tard que c'était leur première expérience de vulgarisation et je suis contente d'avoir pu. De leur offrir ouais, ça. Ouais, c'est aussi. Ça. Après, je veux pas non plus dire. Oh là là, oui, sur non, un plateau d'argent. Mais que, ça voilà. Paraît être un bon environnement pour. Bah, j'espère. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que. J'essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien. Et moi, à chaque fois, je leur dis j'ai envie que l'émission vous plaise, que vous réussissiez à dire ce que vous avez envie de dire. Même des gens qui sont très médiatisés, je leur dis ici, c'est peut-être l'espace où vous pouvez dire ce que vous ne pourrez pas dire sur France Inter ou France Culture. Ou... Donc, s'il y a des trucs que vous avez envie de dire, n'hésitez pas. Et ouais, je suis assez contente de ça. D'avoir pu offrir cet espace, j'espère, de liberté pour que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire. Et il y a eu donc une quantité assez impressionnante d'invités très divers, mais j'imagine qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se faire. Oui. Est-ce que tu as un ou deux exemples pour X raisons qui ne se sont pas faits et peut-être que ça se fera plus tard sous d'autres formats. Peut-être, mais, peut-être. Bah, moi, en vrai, j'ai des idées, j'en ai à l'appel. Hein, des gens que j'ai envie d'inviter, il y en a encore plein. Dans la région toulousaine, j'avais très envie de faire venir, et je les ai contactés, je suis allée les voir à un de leurs spectacles, la compagnie Barreau d'Evel, qui sont des comédiens qui travaillent avec des animaux sur scène, notamment un corbeau-pie et des chevaux. Un corbeau-pie, donc qui est un corvidé qui vit en Afrique. Exactement. Et qui a une partie blanche. C'est ça, qui a une espèce de plastron blanc. Et moi, je suis allée voir leur spectacle qui s'appelle Là. Et le corbeau interagit avec eux sur scène, il vole, mais il est libre de ses mouvements et c'est pas du dressage comme on pourrait l'imaginer dans un cirque. Vraiment, je pense que c'est, j'imagine en tout cas que c'est vraiment réalisé dans le respect de l'animal et je trouvais ça intéressant d'avoir leur point de vue aussi, surtout à une époque où il y a quand même beaucoup, et à juste titre, de polémiques sur le bien-être animal, sur ce que les animaux peuvent ou non faire partie du spectacle. Donc ça, j'aurais bien voulu, mais ils avaient un planning vraiment très, très, très, très, très, très chargé. Ils sont en tournée en Espagne, en France, partout, donc c'était compliqué de trouver une date. Et même si c'est aussi un sujet touchy que j'ai peu abordé, j'aurais bien voulu faire intervenir quelqu'un qui travaille dans un parc zoologique, que ce soit directeur, soigneur, vétérinaire. Je trouve que le métier de vétérinaire de parc zoologique est incroyable, parce que vétérinaire, déjà, c'est très compliqué. Imaginez un médecin, il met plus de 10 ans d'études pour soigner que... un type d'animal, l'humain. Les vétérinaires, ils doivent savoir soigner tout, du serpent à la poule en passant par le bison. Et en plus, voilà, chez les vétérinaires de parcs zoologiques, ils ont des animaux exotiques, des fois qu'on connaît mal. Et j'aurais bien voulu discuter de ça peut-être avec la vétérinaire de Plaisance du Touche. Et pareil, niveau temps, c'est compliqué, etc. Et puis je suis aussi un peu frileuse parce que je sais que c'est compliqué, même si moi, en tant que chercheuse, j'ai déjà travaillé avec des animaux de parcs zoologiques et que j'estime qu'il y a des bons parcs zoologiques, des mauvais parcs zoologiques, mais que certains mènent des missions qui sont, à mon sens, importantes. Et j'aurais voulu en discuter, même si je sais que ce n'est pas partagé par tous les gens qui défendent la cause animale. Donc voilà, j'aurais bien voulu faire ça. Peut-être un jour, mais en tout cas, ça n'a pas pu voir le jour dans ces 5 saisons. Et t'as eu 60 invités, mais... Un peu moins, parce qu'il y a David Hung qui est venu deux fois, et puis il y a des doublons aussi, ouais. Mais t'as pu rencontrer d'autres gens ou acteurs de la science ou du monde animal à d'autres occasions, toujours avec Campus. Oui. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué en particulier ou... Avec Campus, c'est vrai que outre le NIDPI, d'ailleurs, si vous amusez à chercher dans la playlist, il y a plein de trucs plus ou moins cachés, parce qu'il y a des trucs plus ou moins honteux. Mais par exemple, j'avais participé juste en arrivant à Toulouse à la Nuit des chercheurs en 2018, en 2019, parce que j'avais été largement débauchée par Anna Thuyen Tran, de Rien à voir quoique, qui, pareil, a été très chouette, qui m'a beaucoup intégrée à la vie de la radio quand je suis arrivée. Et ça, c'était chouette aussi parce que j'avais interviewé des chercheurs divers et variés, notamment Audrey Dussutour, par exemple, déjà à l'époque. Il y avait une dame aussi qui travaillait sur l'aérodynamisme du vol en comparant avec les avions, les oiseaux, etc. C'était assez intéressant. Et moi, j'avais des souvenirs particulièrement émus du plateau radio à Terre d'ailleurs en 2018 au Muséum de Toulouse. Et c'était vraiment super parce que, pareil, j'avais eu carte blanche, j'avais pu choisir les invités que je voulais faire venir. Il y avait Luc Maresco qui a réalisé des docus sur les requins, qui en a fait un depuis qui s'appelle Tapis rouge pour forêt quelque chose. C'est un docu où il raconte qu'il a envie de faire un film hollywoodien sur la forêt et il va voir plein de gens pour essayer de les convaincre. Il y a Myriam Baran qui a une formation de biologiste qui est animatrice de docu. Il y avait un explorateur des terres polaires. Enfin, on avait pu vraiment discuter de trucs assez incroyables. Et puis le cadre du Muséum de Toulouse, c'était quand même très chouette. C'était vraiment cool. Et puis tout récemment, là, en novembre 2022, pareil, Thomas, il m'a tapé sur l'épaule un bon matin. Il m'a dit « T'as pas envie de faire une émission Radiophonie ?» Donc Radiophonie, c'est organisé au Centre Bellegarde. Et pareil, t'as carte blanche pour faire une soirée avec qui tu veux, sur les thématiques que tu veux. Et c'était top aussi parce que j'ai pu faire venir des gens qui sont un peu à la frontière avec ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, il y avait une des co-créatrices d'une marque de vêtements toulousaine qui s'appelle Nash, où leur idée c'est de faire que des vêtements relativement responsables dans l'industrie de la mode, mais qui en plus est très animalier, très floral, parce que c'est un truc qui leur tient à cœur. Il y avait une historienne, il y avait un naturaliste qui travaillait sur le chat sauvage. Et puis il y avait Patrick Avakian de H1000 qui enregistre des sons de montagne et on a pu faire un truc je pense un peu immersif où on faisait deviner des sons aux gens, où il y avait un truc un peu plus onirique que dans mes émissions qui sont un peu plus on va dire terre à terre. Donc, et c'était vraiment une chouette expérience et puis de se dire aussi que Campus me faisait confiance et que je pouvais faire venir qui je voulais, c'était vraiment une belle expérience. Et puis il y a aussi tous les trucs un peu honteux du coup, parce que l'autre mousquetaire dont on ne parle pas de l'ombre à Campus, c'est François Sisko Berchenko. Et très régulièrement, François était très doué pour dès qu'il me voyait à la radio dire « Oh, t'as pas deux minutes là ? J'aurais besoin d'un son pour rendez-vous avec l'emploi. Une fois, l'an passé, il m'a fait rencontrer une des services civiques qui travaillait ici, qui était en stage, qui n'était pas service civique, Muriel Nassar. Il m'a dit « Oh, Muriel, elle a un projet pour parler d'animaux. » Et hop, je me suis retrouvée à faire 8 émissions complètement improvisée sans aucune préparation sur les représentations des animaux. C'était très chouette, hein, Muriel a été très cool. Mais voilà, François, c'est le mec de l'ombre qui trouve toujours « Hey, mais t'as pas deux secondes à perdre, là !» Donc il y a plein de trucs ultra bizarres si vous fouillez sur Campus. J'étais aussi invitée à deux midinales pour présenter Alice au Pays des Sciences, un de mes bouquins, et une autre plus sur le métier d'éthologue. Mais du coup, si vous cherchez, il y a un rendez-vous pour l'emploi où je parle de mon CV au micro de François, et ça n'a aucun sens. Mais voilà, il y a quelques petites pépites sur les archives de Campus où on peut entendre ma voix. Et du coup, ça, c'était des projets annexes de l'émission Le NIDPI. T'as d'autres projets, soit radio ou en dehors de la radio, qui t'appellent. Enfin, en gros, pourquoi est-ce que finalement la 60e, c'est la dernière C'est la dernière du NIDPI C'est une excellente question. Alors, il y a plusieurs raisons. Même si c'est mon bébé, hein, je dois avouer que ce n'est pas sans émotion que je vous dis que c'est la dernière. Même si je ne me refuse pas à l'idée qu'en effet, le projet renaisse sous d'autres formes ou plus tard, qui sait, je ne ferme aucune porte. Mais du coup, comme vous l'avez entendu, c'est très chronophage. C'est du travail bénévole. Puisque on est ici une radio associative, donc tous les animateurs sont bénévoles. Et Et ce qui se passe aussi, c'est que j'ai déménagé. Parce que même si on est ici à campus à Toulouse, depuis 6 mois, j'habite maintenant en Bretagne, à Lorient. Et donc, je n'ai plus accès au studio. Alors, même si je pourrais le faire avec mon petit micro à distance, c'est quand même pas pareil. Et puis, l'idée, c'était quand même de mettre en avant des auteurs, des artistes de la région toulousaine. Donc, c'est quand même plus compliqué. Et je me suis dit que 60, c'était pas mal. Et que j'avais quand même eu plein de chances et plein d'opportunités de rencontrer tous ces gens. Donc je me suis dit qu'il fallait que je mette un peu de pause parce que, en effet, ça serait bien que je dorme et que, et que j'essaie de gagner ma vie. Parce que, en effet, même si pendant le NIDPI, donc il y a une période où j'étais au chômage, ensuite j'ai travaillé à l'Heure et Café à mi-temps. Et depuis, depuis que j'ai déménagé, l'idée c'est que je sois complètement vulgarisatrice indépendante. Donc je partage mon temps entre écrire des livres de vulgarisation, donner des conférences. J'écris maintenant un podcast. Pour Futura Science, qui s'appelle Bête de Science. Donc, une fois par mois, j'écris une chronique. Donc, ça m'a aussi été permis par Campus, parce que je pense que jamais de ma vie, je n'aurais postulé pour écrire un podcast et être rémunéré pour si je n'avais pas eu cette expérience à la radio avec Campus. Donc, là aussi, merci Campus. Est-ce que tu peux juste présenter rapidement, c'est quoi l'idée de Bête de Science, c'est un podcast à destination du jeune public où ça parle d'animaux. On est deux avec ma collègue Gabi Fabresse, et en fait, on en fait un par mois. On choisit un animal, et puis on raconte un peu où il vit, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa relation avec l'être humain, et puis souvent on fait un focus sur une expérience ou une observation un petit peu notable. J'en ai déjà fait 14, 15, du coup ça fait un peu plus d'un an, et c'est chouette parce que là aussi on me laisse plutôt carte blanche sur ce que j'ai envie de faire, donc je peux parler d'animaux très bizarres et c'est cool. Et tu veux parler d'autres projets, là t'as parlé de conférences, de livres aussi? Des livres, en effet, il y en a plusieurs qui sont parus, d'autres qui vont paraître. Mais si ça te va, je pense que vu que le temps file, on va finir l'émission. Un petit conseil lecture. Avec un conseil de lecture. Donc on finit comme d'habitude par un conseil lecture. Pour conclure cette ultime émission, j'aimerais vous conseiller un ouvrage. Alors, je fais honteusement de l'autopromotion, hein, il faut le dire, puisqu'il s'agit d'un livre que j'ai coécrit avec Maxime Pinault, ici présent. Il a l'air très très bien. Il a l'air très très bien, ce livre. Et qui a été illustré par Charlotte Molas. Alors, il s'agit du livre qui s'appelle « Mythos, animaux, stop les intox », qui est sorti aux éditions Saltimbanque il y a quelques mois, en mai 2023. Et dans cet album jeunesse donc de 56 pages, on vous présente 26 idées reçues sur le comportement animal qui datent de l'Antiquité au Moyen-Âge, en passant au 18e, 19e, même 21e siècle. Et on décrypte chaque préjugé en 2 pages. À gauche, il y a une partie fiction, avec des blagues de qualité faites par Maxime, ou avec des citations qui exposent en quoi consiste la croyance. Et à droite, il y a une partie plus sérieuse qui explique d'où elle vient et qui essaye de décrypter le comportement réel des animaux. Donc on vous a fait une petite sélection aux petits oignons. Hein. On vous parle des ratons laveurs qui ne lavent pas leur nourriture, des poissons qui n'ont pas seulement 3 secondes de mémoire, et que les chiens n'ont pas l'air coupables parce qu'ils savent qu'ils ont fait une bêtise, entre autres. Et on est très contents parce que les illustrations de Charlotte sont super drôles, très colorées, elles apportent beaucoup d'humour, même si, comme je disais, Maxime s'est fait un devoir de ponctuer de plein de blagues de qualité tout au long de l'ouvrage, comme une petite sélection. Il faut que je fasse une petite lecture ? Peut-être pas. Mais il y a des références aux films des années 80 que seuls les parents pourront comprendre. Ouais, donc, c'est pour tout le monde aussi. Alors, nous, on a visé accessible dès 9 ans pour des enfants qui lisent tout seuls, mais ça peut être plus jeune et ça peut être pour beaucoup plus tard, parce que clairement, il y a des références que les enfants de ce siècle n'auront pas. Oui, donc, il y a par exemple, tu disais au début de ta chronique, quelques idées reçues, notamment les fourmis qui... sont en fait visiblement pour certaines des grosses feignasses qui foutent pas grand chose de leur journée, en tout cas jusqu'à ce qu'un gros problème arrive et qu'il faille remplacer au pied levé certaines de leurs congénères. Mais effectivement, là, la petite histoire parle de Steven Seagal et la fourmi. Donc, Steven Seagal, clairement années 80. c'est complètement biaisé, pas très objectif, mais on vous le recommande. Et c'est déjà la fin de notre émission. Pour ce tout dernier opus, enregistré comme au tout début dans les locaux de campus, je ne peux que remercier le Magic Thomas de la Fosse à la technique pour tout, mais aussi François Cisco Berchenko pour son assistance et sa bonne humeur, et bien sûr à vous, auditeurs et auditrices, de m'avoir prêté une oreille pendant ces 5 dernières années. Si le Nid de Pie radiophonique s'achève pour le moment sous ce format, je continuerai bien entendu à parler d'animaux sous toutes les formes possibles. N'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidpie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.